Symphonie en noir foncé. Maman, je veux aller voir la mer. Toi qui es à moitié française, dis-moi quelle côte est la plus belle. La côte la plus belle? Laisse-moi réfléchir. Je pense que c'est la côte bretonne. Ou alors la Normandie. Mais sans aller aussi loin, j'ai souvent passé des week-ends à Honfleur autrefois avec mon premier mari. C'était vraiment un très joli petit port. Pourquoi t'essayerais pas? Et c'est loin par rapport à ici? Ah oui, depuis la Suisse, ça fait un bout quand même. Regarde sur Google Maps. Fais-toi un itinéraire, ça te donnera une petite idée. Oui, je vois, c'est loin. C'est vrai, ça fait 9 heures de trajet. 18 minimum aller-retour, surtout par les petites routes. Au fait, tu peux me dire ce qu'il me reste sur mon compte? Bien sûr, il te reste à peine de quoi survivre jusqu'à la fin du mois, sans faire de folie. Oh, mais ça suffit. Si je pars samedi après le mariage de Bastien, je peux rouler dimanche et rentrer lundi, puisque c'est férié. Mais tu ne vas pas faire ça tout seul? Si, si, c'est bien ce que j'avais prévu. De toute façon, personne ne veut venir avec moi, ou alors ils n'ont pas les moyens. Non, je t'assure, fils, ne pars pas tout seul. Tu vas être épuisé. Il peut t'arriver n'importe quoi. Je t'en prie, réfléchis. Ok, je vais voir. Si je pars, je vous redis. Jamais autant que maintenant je n'ai ressenti mon impuissance. Alors, va, mon fils, va. Pars à l'aventure et laisse-moi trembler. Je me souviens de tes premiers pas comme si c'était hier. J'ai dans les yeux la couleur de ton pull, celle du collant que tu portais ce jour-là. Tes deux petits bras levés en recherche d'équilibre, haut par-dessus ta tête, tes boucles magnifiques et ton rire conquérant. Oui, pars, mon fils, et laisse-moi trembler. N'est-ce pas le lot de toutes les mères que de craindre pour leur fils depuis la nuit des temps? Je ferai des cauchemars toute la nuit, t'imaginant dans ton périple. Ton père me dira: ne peux-tu donc pas l'imaginer savourant son voyage, assis sur une plage, heureux et serein? Non, je ne peux pas. Non! Pas tant que je reverrai en pensée tous ces jolis bouquets que les parents de garçons et de filles de 18 ou de 20 ans, tu sais, ceux qui, presque comme le nôtre, viennent de passer leur permis, accrochent aux arbres dans l'impitoyable côte qui descend vers la plaine, chaque année à la même époque. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Je me passerai l'homme sans passé de Aki Korismaki en boucle, surtout le début quand le héros est endormi sur un banc public, épuisé par une longue journée de marche et où il se fait attaquer, tabasser, détrousser par 3 nazillons armés de battes de baseball. Très évocateurs les battes de baseball, très efficaces pour la paranoïa. Je te pleurerai, mon fils chéri, couché dans un fossé, couvert de sang, laissé pour mort. Je te cauchemarderai en collision frontale, éjecté de ton véhicule. Je t'imaginerai accablé de fatigue, perdu dans les sens uniques d'une banlieue hostile, la tête en feu, la peur au ventre. Que dois-je faire, dis-moi? Te retenir par les pans de ton t-shirt? M'accrocher à toi comme ces mères juives antiques, toutes de noir vêtues, couvertes de cendres, barbouillées de larmes, te couper les couilles, les ailes? Dois-je te dire mes peurs, mes craintes, mes angoisses en 3 mots, t'empoisonner la vie? Depuis que je te l'ai transmise, cette vie, j'ai dû apprendre à faire le deuil de toi, apprendre à te rendre libre, à te donner le courage de partir, à survivre sans moi, à être heureux sans moi, à être responsable. Et maintenant que tu es tout cela, j'aurais bien mauvaise grâce de ne pas te faire confiance, n'est-ce pas? D'autant que depuis 2 ans que tu nous as quittés, ton père et moi, tu t'es toujours montré extraordinairement sérieux. Comme tous les petits garçons du monde, tu vas faire ta vie et personne ne pourra t'en empêcher. Tout ce que je souhaite, c'est qu'elle soit longue et belle, ta vie, et que je n'en vois pas la fin de mon vivant. Épilogue. Après 2 jours d'angoisse, j'ai fini par me calmer et lâcher prise. Heureusement que mon âme sœur, mon alter ego, le père de mon fils prodige, s'est montré une fois de plus extraordinaire de patience et de tolérance, de tendresse, de compréhension et d'humour. De fait, samedi soir, j'étais revenue à mon état normal de béatitude myope. Sans nouvelles, je me suis dit qu'il avait dû réfléchir et que, voyant qu'il n'avait pas les moyens de ses ambitions, il aura laissé tomber cette idée farfelue. Je me suis couchée sereine sans pour autant me plonger dans un Stephen King. Notre fils est passé lundi soir en coup de vent. Il nous a raconté ses aventures. Samedi soir, après le mariage auquel il était invité, il est passé chez lui prendre 2 ou 3 affaires. Puis, il a pris la route vers 1h30. À 3h du matin, il était à Annecy. Il a dormi 1 heure sur le bord de la route. Puis il a repris, par les petites routes toujours, le chemin de Saint-Tropez. Il s'est arrêté à Sainte-Maxime, a plongé une tête dans l'eau, mangé un morceau et retour. À minuit, il était dans son lit. Pour une fois qu'il se couche tôt. Ce texte audio gratuit vous a été lu par son auteur pour audiocité.net. Merci de l'avoir écouté.